Merci Alain Soral. Question suivante, donc. Sans un état de santé convenable, il est difficile d'agir avec efficacité. C'est pourquoi il me semble essentiel de repositionner en urgence la confiance que nous attribuons donc aux complexes médicaux, c'est-à-dire donc les big pharma, et à notre nourriture, qui dans ces deux cas est malheureusement empoisonnée. Un autre débat doit s'ouvrir dans l'urgence, celui de notre chère puce RFID, qui est déjà installée dans certains pays du monde. 22 pays ont signé des contrats commerciaux. Sigual, c'est signé Sigual. Oui, alors là, cette personne fait allusion au lobby pharmacochimique. Moi qui ne suis pas complotiste mystique, je crois que l'empire mondialiste, qui n'a pas d'ailleurs de pays, qui aujourd'hui est aux États-Unis comme il a été en Angleterre à une époque, il est dans le pays, il est au cœur du pays qui domine le monde à un moment donné, mais cette oligarchie mondialiste qui est intrinsèquement nomade est fait en fait de la convergence des groupes et des lobbies qui ont les plus gros moyens et les plus gros intérêts dans la. Comment dirais-je, dans le monde de l'argent. Donc il y a effectivement le complexe militaro-industriel, la haute finance, c'est-à-dire, on va dire, là, je sais pas, la banque Goldman Sachs et la réserve fédérale américaine. Il y a le lobby du pétrole, dont les Bush sont des représentants éminents. Et il y a aussi le lobby pharmacochimique, hein, et le lobby aussi agroalimentaire. Et effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas identifié que dans cette alliance de lobby et cette alliance de multinationales, il y avait également le monde de la pharmacie, le monde du médicament et le monde de la nourriture. Et qu'en fait, tous ces gens-là communiaient et collaboraient pour amener, pour travailler à l'avènement du nouvel ordre mondial et du gouvernement mondial, c'est-à-dire de ce pouvoir, de ce que j'appelle l'empire, c'est-à-dire de l'oligarchie mondialiste. Et effectivement, des gens n'ont pas encore identifié que que l'OMS, que les grands groupes pharmaceutiques faisaient partie de cette oligarchie, qu'ils avaient le même projet de domination brutale et ce même désir de profit exponentiel sur le dos des peuples et contre leurs intérêts. Et aujourd'hui, c'est les deux, je dirais, domaines fragiles au niveau de la conscience. C'est que les gens croient qu'il y a des sujets qui échappent encore à la violence politique, qui seraient l'écologie et la médecine. Et on voit bien que ça donne d'ailleurs l'histoire étrange de la grippe et du vaccin H1N1, et l'histoire étrange de la mode aujourd'hui de l'écologie, depuis qu'Al Gore a fait un film dessus, qui amène finalement la taxe carbone. Je crois aujourd'hui que les résistants à l'Empire ont bien identifié la violence de l'Empire, enfin comment dirais-je, du pilier militaro-industriel de l'Empire, ont bien identifié la violence du pilier financier de l'Empire, ont bien identifié le pilier, on va dire, vétérotestamentaire de l'Empire, mais effectivement, que ce qu'ils ont mal identifié, c'est le volet agroalimentaire et le volet pharmacochimique, hein. Et qu'effectivement, il faut faire de la pédagogie en ce moment pour montrer que au niveau de la. On le voit avec Monsanto, par exemple, on le voit avec l'histoire du Tamiflu, etc., qu'effectivement, l'OMS aujourd'hui, les grands lobbies pharmaceutiques et les grands lobbies ensemenciers font partie de cette oligarchie mondialiste et ont le même projet dominateur et que je qualifierais métaphoriquement, mais seulement métaphoriquement, de satanique. Et il faut faire de la pédagogie parce que c'est peut-être les deux forces qui ont été les moins bien identifiées, l'écologique et le médical. Parce que les gens sont persuadés que le monde de la nature et le monde de la médecine, du virus et du microbe sont métapolitiques. Or aujourd'hui, ils sont totalement, ces deux univers, instrumentalisés par le politique, soumis aux oligarchies marchandes et c'est peut-être là où il faut faire le plus de pédagogie, parce que je pense que sur les autres secteurs, c'est déjà bien compris. Voilà. Donc effectivement, je pense que c'est de ça dont voulait parler l'interlocuteur. Posons-nous la question, et nous le faisons sur le site d'Égalité et Réconciliation, mettant des dossiers en ligne, sur le travail de Monsanto, le travail effectivement des grands groupes pharmaceutiques et le rôle que joue l'OMS là-dedans. Voilà. Il faut s'intéresser à ces sujets. Parce que c'est là-dessus en ce moment que l'Empire marque des points, elle déplace son combat souvent, et là où elle rencontre des résistances dans le secteur financier et militaire, eh ben, elle arrive à enfoncer certaines portes, c'est-à-dire les portes de la justification du mondialisme sur le terrain de l'écologie et sur le terrain de la médecine. Et c'est, comment dirais-je, c'est très pervers, c'est un cheval de Troie, et aujourd'hui, effectivement, le mondialisme a trouvé, pour continuer à avancer, deux terrains faibles au niveau de la résistance qui sont l'écologie et la médecine. Voilà. Effectivement, qui sont deux secteurs a priori transnationaux au-dessus des nations et insoupçonnables de, comment dirais-je, de manigance politico-politicienne, puisqu'on pense que la nature, la défense de la nature et la défense de la santé publique sont au-dessus du politique, des nations et des manipulations, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, pour répondre à